votre nature de changer. Dans le passé, vous n'étiez que cette personne qui subissait, mais vous avez su vous transformer. Progressivement, ce sentiment d'être libre devient naturel, comme si cela faisait déjà partie de vous. Vous avez élargi le champ des possibles. Vous avez repoussé vos propres limites. Revenez ici et maintenant dans ce lieu. Quelle heure est-il ?